Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Une série de Perrine Kervran réalisée par Anne Pérez. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que cette épidémie qui n'en finit pas a résonné de façon assez singulière pour les médiévistes parmi lesquels Patrick Boucheron qui s'interroge désormais sur l'après-peste. Et si le Covid peut nous aider à mieux comprendre ce qu'a été cette épidémie du 14e, on peut chercher à savoir comment on cohabite avec elle et quelles traces elle a laissées dans les images. Et dans vos oreilles aujourd'hui, la peste qui vous parle, des villages désertés, des salaires qui augmentent, des récoltes qui pourrissent, et la peste personnifiée, en robe rouge, manteau blanc, voilée de noir, des cadavres à ses pieds et qui tient des flèches dans ses poings serrés. Mais pour commencer, 5e et 6e épisode, attention au cluster. Nous serons toujours condamnés au voyage éternel. J'ai éteint à tout jamais 10 000 foyers et je suis très fatigué. La fatigue de ceux à qui nous apportons le repos nous écrase. J'en ai appelé beaucoup, paysans. Les princes, les vertueux et les déshonorés. Il n'y en a que 6 qui ont été épargnés. Un jeune homme et sa fiancée, un nain et une petite danseuse, 7 enfants et un vieux paysan resté au village. Sic transit gloria mundi. Tant à l'est qu'à l'ouest, la civilisation subit une incursion destructrice. Celle de la peste, qui dévasta les nations et raya des populations entières de la surface de la terre. Elle annihila le bien qui avait été créé, le niveau de civilisation décrut en même temps que le nombre d'habitants. La face du monde habité en fut changée. Ibn Khaldoun. A devastating epidemic can start in any country, at any time. And kill millions of people because we're not prepared, because we're still vulnerable. Cohabiter avec la peste. Pourquoi ne pas admettre que quelque chose de notre monde moderne commence là, dans cette catastrophe. Alors lui, c'est Patrick Boucheron, c'est un médiéviste. Il est spécialiste de la ville et on a été le voir parce que depuis l'année dernière, il donne un cours sur la peste au Collège de France. Il faudrait alors simplement avoir le courage ou l'énergie d'allonger le pas, c'est-à-dire d'élargir la perspective, de considérer que après la peste, c'est pas simplement tout de suite après. Moi, je m'interroge sur c'est quand après, et surtout, c'est jusqu'à quand après. C'est vrai que c'est difficile de savoir quand commence l'après. Pour la première vague, en Europe, je me mets en sommeil en 1352. Mais à peine 10 ans plus tard, je refais surface, et entre 1428 et 1568, je repasse 10 fois par Paris. Je suis de retour en Italie en 1564 et en 1630. Et à Londres, je me déchaîne en 1664. Je reviens à Marseille en 1720. Bref, on peut dire que je réapparais en France à peu près 80 fois en 400 ans. Mais je passe aussi par la Chine, en 1641, à Vienne, en 1679. Je pousse jusqu'en Amérique au XVIIe siècle, mais ce qui est sûr, c'est qu'au XIVe, j'arrive en France par Marseille. En fait, à Marseille, la première grande réunion qui se tient en 1348, c'est à la fin du mois de janvier 1348, un grand serment qui est prêté et échangé entre les Marseillais, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'hommes marseillais, face à la reine de Naples, Jeanne, et les Marseillais lui prêtent serment de fidélité en tant que souveraine. Et donc, il semblerait que les mesures de distanciation n'aient pas eu vraiment cours à cette période-là, loin de là. Et il se trouve aussi, alors on peut en faire l'hypothèse, qu'on avait affaire à un cluster politique à la fin du mois de janvier et au début du mois de février. Rien n'interdit de le penser, rien ne permet non plus de le prouver. Il y a un cluster au gouvernement? Non, tous les membres du gouvernement ont fait particulièrement attention, d'abord pour des raisons sanitaires et ensuite parce qu'on doit être exemplaire. Alors, lorsque je me suis inscrit en thèse... Lui, c'est François Otschakowski-Laurence. Il enseigne à Aix, c'est un médiéviste. Et si on a été le voir, c'est justement à cause du sujet de sa thèse. J'ai choisi d'étudier le gouvernement de la ville de Marseille à la fin du Moyen-Âge. Et je voulais en particulier étudier les crises politiques, les crises sociales, voilà. Et donc j'ai choisi l'année de la peste, sachant que c'était quand même quelque chose d'assez marquant, normalement, dans l'histoire de la ville. J'ai été la chercher, en fait, je ne l'ai pas rencontrée. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas tellement trouvée. Enfin, je l'ai trouvée, mais de façon un peu discrète. J'ai d'abord été déçu, et ensuite, ça m'a amené à réfléchir là-dessus. Et comment dire, c'est un grand événement, et donc on aimerait bien en avoir un peu des traces. C'est, quand on est devant des archives, on vibre aussi. Et donc là, c'était un peu une vibration de basse intensité, on va dire. C'est un peu différent de l'image qu'on peut en avoir, et moi, l'idée que je m'en fais, c'est que il y avait une forme de résilience, en fait, comme on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire d'organisation préalable qui subsistait à la peste, en fait. Si le jugement dernier est proche, Dieu nous le dira. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Qu'est-ce que ça produit dans le monde économique, dans la vie économique et sociale, l'arrivée de la peste, concrètement ? Les descriptions que nous avons parlent de récoltes qui ne sont pas rentrées. Et c'est le seul indice concret que nous ayons du passage de la peste. Les récoltes ne sont pas rentrées et ensuite, on ne sait pas. Laurent Feller, c'est aussi un médiéviste. Il enseigne à Paris 1 et c'est un spécialiste de l'histoire économique du Moyen-Âge au XIVe. La peste est une maladie qui a frappé à partir de janvier 1348, mais qui a été particulièrement active en été, le bacille prospérant dans la chaleur. Donc, l'épidémie a atteint son pic durant les mois d'été et durant les moments des récoltes. De ce fait, les gens étant morts, malades ou s'en allant, pas mal de récoltes sont restées sur pied. Quand nos descendants pourront-ils croire qu'il y a eu une époque où, sans qu'il y ait eu de déluge, d'incendie du ciel ou de la terre, de guerre ou de quelque autre désastre visible, non seulement tel ou tel coin de la terre, mais presque tout l'univers demeura sans habitants. Dans quel livre d'histoire a-t-on pu jamais lire que des maisons étaient vides, des villes abandonnées, des campagnes incultes, des champs pleins de cadavres, et qu'une solitude immense et horrible couvrait toute la terre ? Pétrarque. Il est très certain que la famine, ou une disette sévère, a suivi le passage de la peste. Attention, nous vivons aussi dans une décennie qui a connu une série de disettes extrêmement dures. Et donc, vraisemblablement, un renchérissement du prix des céréales, bref, mais très violent, qui a aggravé la crise sanitaire, qui a aggravé la mortalité. Il faut prendre des mesures. Exactement. Bon, écoutez-moi, tous les deux. Si moi, j'ai la peste, vous, vous aurez tous la peste. Et par conséquent, mes chers amis, il faut me protéger quoi qu'il en coûte. Regardez, là-dessous. Encore un. Alors, quelles sont les premières mesures qui sont prises à Marseille ? On recherche un médecin en urgence parce qu'il n'y en a pas assez dans la ville. On accorde aux médecins juifs des dispenses, notamment de porter l'insigne distinctif, la rouelle rouge à Marseille, que les juifs devaient porter. On ordonne aux apothicaires d'être bien approvisionnés en herbes médicinales. On met tout en pilule aujourd'hui. Le safran, la myrrhe, l'aloès. Les apothicaires font fortune en vendant le bol arménien. Pour les assemblées de justice, il y a quelque chose qui ressemble. Parce que un endroit où on se réunissait volontiers pour la justice, c'est un endroit où on pouvait réunir le plus de monde possible, c'est-à-dire au cimetière. Le cimetière qui est le cimetière à côté de l'hôpital des pauvres du Saint-Esprit. Alors là, il y a une session judiciaire dont il est dit qu'on cherche un autre endroit car l'odeur est trop pestilentielle. C'était l'odeur des cadavres en décomposition. On est là au mois de mai, au troisième mois de l'épidémie. Si elle a réellement tué la moitié de la population, on peut bien comprendre qu'il n'était pas agréable et même inquiétant de se réunir à cet endroit-là. Les gens ont fui la ville. Mais c'était des départs probablement seulement dans les périodes les plus tendues de l'épidémie. Il est certain que ceux qui avaient les moyens de partir étaient ceux qui étaient possessionnés, les aristocrates ou les grands négociants qui étaient possessionnés à d'autres endroits de la Provence en particulier. Mais c'était des départs probablement seulement dans les périodes les plus tendues de l'épidémie. En tout cas, on s'inquiète beaucoup pour les propriétés mal gardées. On s'inquiète beaucoup pour les ouvriers agricoles qui revendiquent des salaires très importants. irréfrénés, disent leurs employeurs, en fait, qui font fixer par le conseil de ville un plafond des salaires. Dans les villes comme Marseille, plus de 50% de la population serait morte. La loi de l'offre et de la demande fait que les employeurs ne trouvent plus de main-d'œuvre et que la main-d'œuvre est en mesure de tenir la dragée haute, en particulier les journaliers, ceux qu'on appelle aussi les mercenaires travailleurs, c'est-à-dire des gens qui peuvent partir aussi bien ailleurs. Alors vous le savez, dans une série de branches professionnelles, on négocie pour les salaires. Un accord a été trouvé dans l'hôtellerie-restauration. Cette revalorisation ne résoudra pas toutes les problématiques que rencontrent les salariés. On sait que 70% des salariés de ce secteur étaient quand même sous-payés, mais c'est quand même une première partie qui réussit. Ça encourage une dynamique, c'est quand même un premier pas dans ce secteur. Ce qui explique aussi, je pense peut-être une méfiance pour les nouveaux arrivants. Les villes se repeuplent, en fait, se reconstituent assez vite de gens qui viennent des campagnes, de gens qui viennent du bassin méditerranéen. Il y a une forme d'hostilité envers ces sortes de marges de nouveaux arrivants, de gens qui, en fait, arrivent à avoir voix au chapitre là où ils ne l'avaient pas forcément avant. Ils exigent, par exemple, une limitation sur les prix des outils agricoles que probablement ces journaliers devaient se payer eux-mêmes. La limitation du prix du pain, l'interdiction des manipulations sur les farines, qui traduit quand même une certaine pression de la part des couches de la population les plus fragiles. Des demandes d'exemption d'impôts aussi, parce que on peut plus payer tout simplement, on peut plus payer le dernier quart de la taxe sur les fours. C'est un petit détail, mais enfin on dit bien que c'est à cause de ça. Et quand vous dites peur pour la propriété, peut-être des gens qui sont partis ont peur qu'en leur absence, on leur vole ou on prenne possession de leurs biens ? De leur récolte. Il faut être capable de ramasser les fruits, de les vendanger assez vite. Et rien n'interdit à celui qui est près d'une vigne non gardée de venir remplir lui-même sa propre hotte de raisin. D'ici 10 jours, 15 jours, 3 semaines, si on n'a pas plus de monde, ça va être critique. Donc, de voir qu'il va falloir laisser ses fraises après les pieds parce qu'on ne pourra pas les ramasser, vu le coût que ça a d'investissement, c'est dramatique, hein, franchement. Ici, on travaille depuis plus de 30 ans avec des ouvriers qualifiés venus de toute l'Europe. Mais la pandémie de coronavirus rend aujourd'hui leur présence impossible. Ces personnes sont coincées à la frontière pour vous. Donc, que ce soit temporaire à l'échelle d'une récolte, que ce soit des rapports de force salariaux ou que ce soit éventuellement des propriétés qui en effet ont dû probablement être sans héritier et qu'il a fallu s'approprier rapidement. Il fallait faire vite et il fallait tenir la situation, tenir les rênes quand on était un dirigeant économique. En même temps aussi, les populations, pour les raisons liées à la peste, mais pour les raisons liées également à la conjoncture démographique générale, se replient vers les zones les plus fertiles des terroirs, vers les zones centrales des terroirs, vers les villages. Et donc, abandonnent les terres marginales et les terres les plus froides, les terres les moins aptes à supporter une culture, une agriculture intensive durant de longues périodes. La seconde moitié du XIVe siècle est quand même très probablement, pour toutes ces raisons accumulées, caractérisée par la ruine, par la déprise rurale, par la dégradation des écosystèmes, par l'étalement et la dispersion des habitats. Ce qu'on prend pour un habitat traditionnel, un habitat à la maille, assez lâche, avec voilà des grands pâturages, n'est pas du tout un paysage immémorial. C'est le paysage qui est né de la ruine de l'après-peste. Donc nous vivons encore aujourd'hui dans le monde ruiné par la peste. Abbandonare tutto. Noi siamo state abbandonate. Io lo so, tante di voi lo sanno. Non si deve rimandare. Vous avez d'une part une redistribution des cartes qui s'opère, c'est-à-dire que à l'intérieur des familles, les héritages vont se concentrer sur des têtes moins nombreuses. De ce fait, des micro-exploitations qui n'étaient pas viables disparaissent au profit d'exploitations moins nombreuses et plus viables. On peut avoir l'impression que de ce côté, il y a un phénomène qui mécaniquement est positif. Est-ce que certains ont bien tiré leur épingle du jeu ? Oui, bien sûr. Ceux qui avaient des disponibilités ont pu profiter de l'occasion pour accroître leur patrimoine et leurs exploitations. Là, il faut faire la part des choses. Si les institutions tiennent, c'est aussi parce que les classes les plus favorisées de la société, la haute aristocratie notamment, qui régit les structures politiques, globalement ne sont pas touchées, ou très peu touchées. par la peste. Mais, en même temps, il peut y avoir, dans certaines familles, la menace de l'extinction du nom et la menace de l'extinction également du groupe familial. Alors, dans ces cas-là, on a recours à des solutions de panique pour pas disparaître. Bah, par exemple, dans les Abruzzes, à L'Aquila, on va retirer des moines des communautés monastiques où ils sont là pour les contraindre à se marier, à avoir des enfants et à reproduire le lignage. Au fond, il y a un contexte global qui est celui d'une fin du Moyen-Âge qui a commencé d'ailleurs, et ça on le sait, à affaiblir socialement et biologiquement les populations européennes dès les années 1300. C'est-à-dire qu'on sait que c'est une crise, on va dire, systémique du mode de production féodal, parce que c'était une croissance extensive et qui butait sur les limites de l'écosystème. Il y a un moment où, concrètement, il n'y a plus de défrichement à faire. Défricher, ça ne veut pas dire simplement couper les arbres des forêts, ça peut vouloir dire poldériser dans les Pays-Bas, gagner des terres arables sur les étangs, bonifier, irriguer. Mais il y a un moment où l'artificialisation des paysages bute sur des limites qui sont des limites de l'écosystème. Et à ce moment-là, il y a un fléchissement de la croissance agraire et le monde plein atteint son pic. Et on sait qu'il y a des famines, qu'il y a des mauvaises récoltes, qu'il y a des maladies qui se mettent en place dans les années 1300, 1310. Donc déjà, ça commence bien avant. Après ces années de disette, tout le monde est affaibli dans certaines campagnes, dans bien des villes. Les pauvres gens sont morts comme des mouches à la dernière apparition de l'hiver. Ce mal est singulier. Il faut tenir compte aussi de la fiscalité. La fiscalité qui, dans certains villages, notamment en Provence, comme ça a été montré dans les années 30, en Provence, au XIVe siècle, des villages entiers sont abandonnés par leur population simplement parce que les habitants ne peuvent pas faire face à leurs échéances et qu'ils sont surendettés et qu'ils doivent s'en aller ailleurs pour chercher meilleure fortune. Et de ce fait, l'émigration de la campagne vers la ville au XIVe siècle est une immigration qui est une immigration de la misère et de l'endettement, de la pauvreté. Il y a enfin, dernier facteur, qui joue énormément et dont il faut parler, c'est la guerre. La guerre en Europe devient générale au XIVe siècle. En France, elle est particulièrement âpre et violente. Les campagnes menées par les rois d'Angleterre sont destructrices. Mais la guerre devient une guerre d'État, une guerre de destruction, devient le mode normal de régler les conflits politiques au XIVe siècle. Et ce sont des armées de professionnels désormais, des armées de gens qui dévastent beaucoup. Le passage des armées est beaucoup plus souvent mentionné dans les textes que le passage de la peste. Et c'est cela l'événement qui frappe. La peste, ça fait partie des calamités abominables, mais au fond pas inattendues, auxquelles les gens du Moyen-Âge sont soumis. La guerre, en revanche, là, un profond sentiment d'injustice peut saisir les gens. C'est surtout que la peste, on n'y peut rien. On n'a personne à incriminer quand on y pense, alors que la guerre, on sait que ceux qui gouvernent pourraient l'empêcher. Bref, avec moi, les gens s'organisent, ils apprennent à vivre avec moi, ils deviennent pragmatiques. L'évêque de Basse, par exemple, autorise même les femmes à recueillir les confessions des mourants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la peste participe d'une crise politique multiforme, politique, militaire, sanitaire, dans laquelle un certain nombre de gens n'oublient pas de gouverner et n'oublient pas de raisonner un peu plus loin que l'immédiateté. Et c'est ce qu'on constate au XIVe siècle, à Marseille en tout cas. Et surtout aussi, les grandes villes d'Italie, où les institutions politiques tiennent le coup. Elles se ressaisissent et elles sont capables de fonctionner sur un mode mineur, avec des rentrées moins importantes, mais de fonctionner presque immédiatement. Et c'est cela qui frappe le plus, c'est-à-dire que les contemporains sont capables de vivre comme s'il ne s'était pas passé quelque chose de particulièrement notable. Si on veut parler en langage, disons, à la mode, c'est un crash test réussi. Les institutions marseillaises ont même progressé dans leurs prérogatives, dans leur capacité à prendre en charge les tâches du bien commun, de l'assistance aux pauvres, et parmi ces pauvres, les malades. Et oui, la société n'a pas dû en sortir très en forme, mais les institutions, elles, ont bel et bien survécu et même progressé. En réalité, lorsqu'on regarde les choses de très près, comme on peut le faire pour Florence, en fait, c'est pas immédiat. La bonne décennie, c'est la décennie 1360. Et ensuite, en 1370, les salaires repartent à la baisse. Donc il y a un moment, effectivement, dans une décennie, 1360, où, au grand scandale des classes dominantes, mais ça dure jusqu'à longtemps, les travailleurs, les ouvriers, peuvent s'habiller convenablement, peuvent se nourrir convenablement, peuvent avoir un peu de viande, accéder au pain blanc, et surtout avoir des signes extérieurs de richesse qui sont des marqueurs sociaux dont la société ne tolère pas qu'ils les portent. Avoir un beau chapeau, avoir des vêtements bien colorés, ces choses-là sont devenues possibles dans les années 1360. Elles redeviennent impossibles dans les années 1370 à Florence. On ne peut pas extrapoler partout, mais vraisemblablement, avec des décalages, ça a dû se passer à peu près partout comme ça. En fait, le XIVe siècle présente une série de paradoxes. C'est-à-dire que, à la fois, nous avons une conjoncture d'appauvrissement, apparemment d'appauvrissement général, et une conjoncture très négative de la vie économique, la baisse générale de la population, le déclin général de la population, apparemment des crises à répétition, mais en même temps, ce que nous voyons, c'est que jamais, durant le Moyen-Âge et jamais auparavant, les classes les plus aisées n'ont été entourées d'autant d'objets. Et de même, à partir du XIVe siècle aussi, même dans le monde paysan, on a accès à une forme de luxe. Donc, il y a des séries d'énigmes, des objets de luxe. Ça veut dire quoi? Une céramique de table, acceptable. Ça veut dire des vêtements. Le marqueur le plus évident, c'est tout de même la céramique. Et la qualité de la construction. Enfin bref, toute une série d'éléments qui prouvent que l'accès aux biens matériels est sans doute moins difficile à ce moment-là qu'il ne l'a été. Pour les classes les plus aisées, ça a signifié aussi un enrichissement important et une ostentation de ces richesses scandaleuse, excessive. Ce qui est en cause, en réalité, ce sont essentiellement les vêtements féminins, toujours. Et là-dessus, bon, comme il y a la peste, il est aisé d'interpréter la peste pour un moraliste comme un châtiment divin et de punir les péchés d'orgueil qu'est l'ostentation de la richesse par le vêtement. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles les lois somptuaires, qui se multiplient à partir du XIVe siècle, mais qui sont déjà là avant, sont prises. Elisabeth, tutte insieme, noi ci si salva da sole. Pas de chapeau trop haut, de tissu trop précieux, de tissu bicolore, de tunique trop courte, de perles, de soie, de doublure d'hermine, de manches crevées, de voiles trop longs, de hennin démesurés, de teintures trop coûteuses, de boucles de ceinture trop ostentatoires, de rubans ou de fibules trop précieuses. Mais tous ces textes ne changent pas grand-chose, et les gens se sont habitués. Je reviens, je repars, et c'est un nouveau monde qui s'ouvre, le mien, celui de la peste. Je pense que le monde d'après la peste, dure longtemps. Il dure longtemps biologiquement, puisque il y a des gens qui meurent de la peste, et puis il y a des gens qui survivent. Et ceux qui survivent sont eux-mêmes transformés par le passage de l'épidémie. Moi, je suis né en 1965. Après tout, c'était 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que je suis né après la Seconde Guerre mondiale? Ben oui, je suis né dans son ombre, d'une certaine manière. Mais cette ombre, elle s'étire, elle s'allonge. Comment la circonscrire historiquement, cette ombre qui s'allonge et qui s'étire au fur et à mesure, évidemment, de la fin des jours? Moi, je m'étonnais qu'on s'étonne si peu de la faible conséquence politique, sociale de la peste noire. Je me demandais pourquoi, au fond, ça avait si peu changé. Je me demandais pourquoi on continuait comme si de rien n'était, ou en tout cas sur les mêmes bases, après une telle catastrophe. Est-ce que je suis sûr, moi, que si je voyais mourir deux personnes sur trois autour de moi, je croirais au même Dieu, si tant est que je crois à un Dieu, j'obéirais aux mêmes lois, je serais fidèle au même roi. spontanément, j'ai envie de dire, bah non, tout changerait. Voilà. Maintenant, on nomme société la configuration historique qui fait que ça perdure, justement. Mais c'est pas parce que apparemment ça continue sur les mêmes bases que on doit obligatoirement renoncer à l'idée que le monde d'après la peste a été changé par la peste. Je donne un exemple, encore une fois lié à la crise sanitaire dans laquelle on est. Spontanément, on va mettre en rapport épidémie et commotion sociale. On va attendre d'une certaine manière d'une épidémie qu'elle suscite une contestation sociale. Et c'est la première chose qu'on a demandé aux historiens dès mars 2020. C'est alors, est-ce qu'une épidémie, ça aiguise la conscience de l'inégalité? Oui. Ça fait voir des choses sur la structure inégalitaire des sociétés. Est-ce que ça la rend plus insupportable encore? Sans doute. Est-ce qu'on se révolte immédiatement contre cette situation qui nous apparaît décidément insupportable? Peut-être pas. Ou pas tout de suite. Ou pas de manière directement liée. La peste noire se termine, en gros, la première vague en 1352, puis elle reprendra. La jacquerie, c'est 1358. Au fond, dans l'historiographie, personne ne fait le lien. Personne. On n'imagine pas que c'est après. La révolte des Jacques, c'est une révolte qui est une révolte liée en région parisienne, non pas à la peste, mais à la situation politique, et qui est liée aussi à la désillusion profonde des élites rurales à l'égard de l'aristocratie, à l'égard de la seigneurie, précisément, qui prélève des taxes, qui gouverne, qui opprime, mais qui ne protège pas, qui ne protège plus contre les Anglais. Il y a là quelque chose d'incompréhensible qui amène ce mouvement très profond, qui a des répercussions encore au XVIIIe siècle, de la jacquerie. Mais ça n'est pas lié directement à la peste. Mais tous ces événements, cependant, s'enchevêtrent pour dessiner un paysage particulièrement attristant, particulièrement dur aussi pour les hommes de ce temps, dans lequel la peste s'insère. Elle n'est pas un phénomène que l'on puisse comprendre tout seul. Non, on ne se remet pas de la peste. La société, avec la peste, avec la guerre, change absolument. C'est-à-dire que, d'abord, physiquement, le monde n'est pas le même. C'est-à-dire que le déclin démographique hyper violent, très violent, qui s'opère à ce moment-là, a une incidence évidente sur la nature. C'est-à-dire que la pression écologique, comme on dit de nos jours, exercée sur les forêts, sur les ressources naturelles, sur les ressources minières aussi, mais surtout sur les ressources en bois, décroît. Les forêts regagnent du terrain. Il y a un lien qu'on ne voit pas très bien encore, mais un lien qui existe avec les transformations industrielles qui se produisent dans la deuxième moitié du XIVe et surtout au XVe siècle, avec des inventions qui permettent de mobiliser mieux l'énergie du bois, mais aussi, surtout, l'énergie hydraulique. Donc, ce sont des événements disjoints, mais qui sont liés d'une manière ou d'une autre. Et en dehors de cela, la situation ne s'améliorera pas jusqu'à ce que les progrès de l'État moderne permettent d'organiser le bouclage des régions atteintes par la peste, ce qui s'opère dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. En fait, c'est du temps de Louvois qu'on arrive à ce résultat, qui est un résultat policier, obtenu par les progrès des institutions du contrôle de ce que Foucault appelait le biopouvoir, mais de ce que nous voyons quotidiennement aujourd'hui avec le Covid. La lutte contre l'épidémie, c'est d'abord une affaire d'institutions et de solidité de la police ou des mesures répressives. En cela, effectivement, on ne peut pas dire qu'on soit sorti de la peste. Et c'est avec vous, Marine Van Tournout, en Suède. Bonjour. J'en parlais tout à l'heure, en Suède, le pass sanitaire se lit désormais sous la peau grâce à une micro-puce. Et les employés d'une start-up sont en train de tester ce dispositif volontairement, Marine. Bon, ça nous paraît quand même incroyable. La puce en elle-même est de la taille d'un gros grain de riz. On peut choisir de se l'implanter soit dans le bras ou entre le pouce et l'index. Elle fonctionne sans batterie et selon son concepteur, la puce ne peut donc pas être activée. Finalement, mon ombre est toujours là, comme une référence, un souvenir, un repère. repères communs. On m'associe à des images, la grande faucheuse, la danse macabre, le cavalier de l'apocalypse. Mais pourtant, je ne suis que la peste. Je ne suis pas la mort et je n'ai peut-être pas été peinte tant que ça. A new form of life. Like Rudolf Carp's bacteria. Merci à Patrick Boucheron, Laurent Feller et François Otchakowski-Laurence. France Culture, LSD, la série documentaire, tout de suite le sixième épisode de La Grande Peste, l'empreinte d'une tueuse. Banksy refait parler de lui avec une nouvelle œuvre centrée sur la crise du coronavirus. L'énigmatique artiste britannique a publié sur son compte Instagram cette vidéo sur laquelle on aperçoit un homme, peut-être Banksy lui-même, arpenter le métro londonien dans une tenue de protection. On le voit ensuite se diriger dans une rame où il va peindre au pochoir des rats qui semblent éternuer. Banksy entend inciter la population à porter un masque pour se protéger du coronavirus qui fait des ravages au Royaume-Uni. I think it's fantastic. Yeah, it's great to have it so local to the area. Yeah, it's fantastic. Quelles images sont nées du Covid et qui se souviendra des rats de Banksy effacés par la suite? De ces rats qui nous ramènent à la peste, et d'ailleurs quelles images a créé la peste et a-t-elle créé des images? Et surtout, qui sait aujourd'hui voir ces images nées de la peste? Donc là, on est à Lavaudieu sous un joli soleil d'hiver sur la place principale. Et donc devant l'église de l'abbatiale, c'est une abbaye? Alors tout le monde l'appelle l'abbatiale Saint-André, mais en fait, c'est pas une abbaye au sens propre du terme, c'est une priorale, puisqu'en fait, c'est un prieuré qui relève d'une abbaye, un prieuré casadéen, donc de la Chaise-Dieu, qui est en fait un couvent, un monastère de sœurs de moniales bénédictines. Et là, on se situe devant le massif occidental, la porte d'entrée de la priorale, qui a l'air ouverte. Peindre la mort noire. On est assis dans la nef. Tout de suite, quand on lève la tête, on a l'occasion de voir cette voûte en berceau, romane, spectaculaire. Et juste au-dessus de nous, en face de nous, tout de suite, une représentation assez unique dans la région et un petit peu partout en France pour l'époque, une représentation de la mort, que les gens appellent la mort noire ou la grande mort. C'est une représentation supputée de la peste noire du XIVe siècle. Et alors, Giulia Puma, vous disiez que finalement, ce qui est le plus évident, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'images, voire pas d'images contemporaines de la peste et qui racontent cette peste. Voilà, mais c'est tout à fait singulier et je pense que, effectivement, ces images, finalement, elles sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas représentatives du déni de représentation qui a été fait à la peste en général par ailleurs. Voilà, un déni, c'est ça. Je fais une entrée fracassante. Je décime entre un tiers et la moitié de la population européenne en 5 ans et rien. Ou si peu, 3 enluminures, quelques fresques difficiles à dater, 1 ou 2 retables impossibles à interpréter, alors que je m'attendais à être partout sur les murs et dans les manuscrits. Mais parfois, quand même, je crois me reconnaître. On voit donc que cette femme, cette personnification de la mort, elle est représentée légèrement plus grande que les victimes qui ont reçu ces flèches. Elle a quelque chose de très majestueux, elle fait penser aussi à ces vierges protectrices, presque paradoxalement. C'est ça. C'est ce qui est intéressant, c'est dans les proportions, elle prend quasiment, je pense, un tiers de plus en volume que les corps qui sont allongés autour d'elle. Elle a ce grand manteau aussi, un grand manteau blanc, telle cette couleur virginale, comme une vierge au manteau. On voit qu'elle a son manteau ouvert qui lui court des épaules jusqu'aux pieds. Mais là, le contraste entre son manteau blanc, presque virginal de la pureté, et son voile noir qui lui masque le visage, on a l'opposition parfaite entre le bien et le mal qu'on retrouve, hein, je veux dire, entre l'enfer et le paradis. En fait, elle évoque les figures positives de la Vierge de Miséricorde ou même des Vierges Orantes des premiers siècles, qui sont des grandes figures qui se tiennent debout et qui ont les bras levés. Alors, quand c'est la Vierge, c'est pour prier. Giulia Puma, c'est une historienne de l'art, spécialiste des images médiévales. Et si on a été la voir, c'est qu'elle a fait une intervention sur Millard Meiss et sur la question de l'art après la peste. Ici, c'est une figure inversée puisqu'elle a les mains pleines de flèches, des flèches blanches, très fines. Elle en a 6 par main et elle les serre entre ses doigts et ses pouces. Et les pointes de ces flèches vont dessiner 2 diagonales qui renvoient l'œil du spectateur vers les 2 parties latérales de la fresque qui sont occupées par les victimes des flèches. Moi, ce qui me laisse profondément perplexe, parfois je l'ai vu dater au 14e avant 1348, parfois je l'ai vu dater au 15e. Prudence, je ne trancherai pas. Et quitte à, si on m'obligeait à choisir, je dirais jouons le jeu et disons qu'elle date d'avant la peste. Parce que bien sûr qu'elle semble une candidate parfaite pour la représentation de la peste. Mais quelle garantie on en a? Ce qui est écrit au-dessus de sa tête, c'est Morse. On a un groupe composé, on va dire, une scène qui est tripartite. Un personnage central, monumental, une personnification de la mort, puisqu'il y a son nom, représentée par une femme dans un corps sain, à gauche et à droite, un nombre important de corps qui sont couchés, représentés en fait comme des cadavres, des personnes qui sont mortes. Et si on prend le temps de lire la fresque... Alors Jean Picot, c'est un chercheur indépendant. Il a travaillé sur la lèpre au Moyen-Âge et aussi sur cette fresque de l'Avaudieu citée par Patrick Boucheron. On se rend compte qu'on a une multitude de personnages différents d'un point de vue sociologique. Les archétypes, qui a un bonnet de je ne sais quoi, quid de celui qui a une mitre, et donc on reconnaît facilement des souverains, mais aussi des évêques, des moines avec des tonsures, des moniales avec leurs vêtements. Et donc on a aussi bien des morts qui sont des ecclésiastiques, on a des laïcs, on a des riches, on a des pauvres, on a des hommes, on a des femmes, on a une sociologie très variée, et on retrouve des flèches qui sont un peu partout prises dans le corps des cadavres, et à des zones assez archétypale, là où on sait que la mort, dite mort noire, la grande peste de 1347-1352, venait frapper de ses bubons. On a des présences de flèches dans les zones axillaires, dans les entrejambes, dans le cou, là où on sait que les bubons de la peste étaient repérés sur les corps. Et donc, une lecture un peu rapide mais cohérente, c'est la mort 14e qui est représentée ici, c'est cette peste qu'on appelle la peste noire, et ce qui vient encore plus accentuer la théorie selon laquelle on est bien en face de cette grande épidémie, c'est que cette femme est représentée avec un voile, donc un voile qui lui recouvre le visage jusqu'aux yeux, un voile noir, juste en dessous de ce nom, la mort, ce grand voile noir, qui la frappe de cécité, et frappée de cécité, cette femme lance ses flèches et tire à tout va sur des hommes, sur des femmes, des jeunes, des vieux, des riches, des pauvres, ce qui vient vraiment incarner cet archétype, ce stéréotype de cette grande épidémie qui frappait à tout va et qui ne protégeait personne. Cette mise en scène d'une allégorie féminine, en fait, qui afflige toute une société, je n'en connais pas du tout, même d'image proche ou ressemblante. Donc, il y a une invention qui est efficace, c'est-à-dire que la multiplication, tout simplement, de l'objet flèche et la répétition systématique de la blessure et la différence très légère de proportion hiérarchique, en fait, entre le corps de la mort au centre et des personnes affligées assises sur les côtés, font que, oui, elle est une candidate idéale pour la représentation d'une épidémie qui afflige. Là où on a un petit doute, c'est qu'on a la chance d'avoir sur ce programme pictural un cartouche peint qui explique le contexte de la réalisation de ce chantier pictural et qui était daté. Mais le problème, c'est que dans le contexte de la découverte puis de la restauration de ce chantier de peinture, de fresque 14e, il y avait des manques et il a été rendu par le restaurateur 1315. Ce qui paraît pas vraisemblable. Pourquoi une représentation de la mort? Pourquoi tout un cycle en 1315 qui représenterait ce qu'on semble être assez flagrant, la grande peste noire, enfin dite peste noire? Ça marche pas, ça serait 3 décennies avant. La mort, elle est déjà peinte comme on la connaît avant la peste. Toute cette iconographie, elle se développe... J'ai envie de dire, si on veut être prudent, dès après l'an 1000, mais en fait, la production de l'univers visuel du lien à la mort est profondément là dès l'époque gothique. La mort évolue assez, c'est vrai, dans ses représentations. Elle est rapidement représentée avec une faux, telle qu'on a tous en fait la persistance rétinienne du personnage de Bergman, en fait, du septième sceau, même si c'est un acteur masculin qui est sous la chape noire, mais la chape noire et la faux, c'est vraiment quelque chose qui vient à minima du XIVe siècle. La danse macabre, c'est un excellent exemple pour montrer la déconnexion ou la discordance des temps. Parce que la question du macabre et la question de l'évolution de la représentation de la mort est une question qui se pose, pour la première fois à la toute fin du XIIe et durant le XIIIe siècle. Lui, c'est Étienne Anaïm. C'est un médiéviste et cette année, il donne un cours sur Pétrarque à l'EHESS. Et il a travaillé aussi sur la question de la peste avec Patrick Boucheron et c'est pour ça qu'on a été le voir. L'idée que la mort est représentée sous les traits d'un squelette est d'ailleurs une idée très progressive qui n'est pas du tout évidente au milieu du XIVe siècle à l'époque de la peste. Et finalement, ce thème de la danse macabre, c'est-à-dire ce thème d'une mort omniprésente qui peut saisir à la fois les riches et les pauvres, les hommes et les femmes, les vieux et les enfants, est un grand thème du XVe siècle. Alors évidemment, la danse macabre du XVe siècle, elle a à voir avec le fait que les sociétés européennes sont devenues des sociétés de peste. Parce que la peste, c'est un événement, mais c'est un événement qui dure. C'est-à-dire que pendant 4 siècles, les sociétés européennes vont vivre avec la peste. Que le bal commence ! Barricadez les portes ! Fermez les fenêtres ! Est-ce que vous pouvez nous parler de cette image qui revient beaucoup, on sait, dans les iconographies de la peste, donc de cette mort qui chevauche le paysage. Quelle est un peu l'origine de cette image et comment est-ce qu'elle évolue? Alors, l'origine, je dirais, historique, c'est probablement l'Apocalypse, hein, le quatrième cavalier, dont on dit qu'il apporte la mort et la célérité, une mort radicale, totale, etc. Bon. Alors Dominique Chevet-Écardi, elle est anthropologue et c'est la seule qui a consacré un grand travail sur la représentation de la peste dans l'art. Et c'est pour ça qu'on a été la voir. Après, il va y avoir des déclinaisons vraiment très différentes. Et ce qui est certain, c'est que la peste, il y a une personnification et une allégorisation permanente de la peste. Donc on l'a vu avec la femme, les yeux bandés, etc., et les flèches. Mais c'est également, je dirais, essentiellement, le cavalier, c'est une manière de montrer la rapidité, la célérité aussi, de la maladie. Il faut mettre 1 € pour éclairer les fresques. Ouais, ici, c'est parti. Est-ce que vous me prêtez vos jumelles? Oui. Que je puisse regarder ça de près. Elles sont pas terribles. Moi, c'est pas grave. J'ai pas pris les bonnes. Il faut vous regarder. Là. Ah non, on voit bien les flèches là, elles se détachent sur le fond rouge. Bien blanche sur le fond rouge. Et comme le manteau. Et ce grand manteau blanc. Tellement virginale presque. Et cette coiffe si noire qui tranche. Puis on voit les pointes de ses pieds, elle est un tout petit peu déséquilibrée. Comme si ça venait accentuer ce côté hasardeux. Les flèches, c'est une thématique récurrente qui date de l'Antiquité. Les flèches d'Apollon et de Diane. Diane et Apollon envoyaient des flèches pour punir les individus de leur faute, donc. Et donc, effectivement, les flèches, ça ne représente pas la peste en elle-même, mais la dynamique, si vous voulez, qui tue tout le monde, la célérité aussi de la maladie, de la propagation. Et donc, cette thématique des flèches sera reprise, mais tout au long de l'iconographie occidentale. Je pense, par exemple, à des représentations, y compris 19e, 20e, etc. Mais également et surtout au sein, je dirais, thaumaturge et prophylactique de la peste, qui est Saint-Sébastien. Et donc, cette légende Saint-Sébastien, qui a été racontée dans la légende dorée de Voragine, au XIIIe, en fait, Saint-Sébastien va représenter le saint par excellence prophylactique de la peste. On a pu dire qu'il était représenté comme un hérisson, mais si vous voulez, il est censé avoir été transpercé par les flèches des archers de Dioclétien, donc. XIIIe siècle, et en fait, il en a réchappé. Et donc, par une sorte d'inversion qu'on connaît bien en anthropologie, une espèce de registre de symétrie inversée, si vous voulez, d'analogie inversée, effectivement, puisqu'il a réchappé des flèches, il devient protecteur, puisque tout se passe comme s'il était lui-même une sorte de paratonnerre, il recueille toutes les flèches, et donc il sauve la population qui est moins atteinte de ce fait-là. On dit que le culte de Saint-Sébastien a commencé beaucoup plus tôt, parce que il y avait une peste qui sévissait au 7e siècle à Pavie, en Italie, et bon, il y a eu des prières à Saint-Sébastien, enfin, la peste s'est arrêtée, et donc il y a une sorte de miracle qui lui est attribué, et qui fera probablement, en tout cas, les historiens et de la géographie des saints montrent que c'est à partir de cette période-là qu'on va évoquer régulièrement Saint-Sébastien. C'est impressionnant aussi toutes ces flèches qui sont plantées dans les corps et qui font comme des... comme si le tas de corps, finalement, était hérissé de flèches, quoi. On voit bien que la mort, c'est la peste, la maladie qui est au milieu, bien qu'elle soit représentée dans un corps plutôt plantureux, généreux, sain de cette femme. Et pour autant, bien qu'elle les ait elle-même des lots de flèches dans ses mains, elle est là, elle marche au milieu d'ailleurs. Les corps ont l'air de s'ouvrir devant elle. On a l'impression que les flèches, elles tombent du ciel de manière aléatoire et qu'elle est là plutôt comme une annonciatrice de la mort qui arrive. Alors c'est vrai qu'après tout, je ne suis que la messagère. J'arrive et c'est la mort qui me suit de très près. C'est elle qui marque les esprits, même si je suis reconnaissable au premier décès. Mais il y a quand même un manuscrit qui a su mettre en image les ravages que je provoque. La peur, la haine, la folie religieuse et la mort en masse. Dans un manuscrit donc du milieu du XIVe, puisque la peste, c'est à ce moment-là qu'elle sévit en Europe, manuscrit 13077 de la Bibliothèque royale de Bruxelles, qui contient les Antiquités de Flandre de Gilles Limuisi, on voit une foule de personnages en action avec au moins une dizaine de cercueils dans les mains. C'est un groupe de fossoyeurs en action. Sur la gauche, on a une foule d'hommes qui ont les bras levés et qui portent donc à dos d'hommes une foule de catafalques. On les voit même pas tous ensemble. Et ça, ça rend la masse du massacre qu'opère la peste dans la société européenne du milieu du XIVe. Et au tout premier plan, on voit un homme debout avec sa pelle dans la main. Il est littéralement en train de creuser la fosse. Et enfin, sur la droite de l'image, on a deux hommes en train de baisser un cercueil et de le déposer en terre avant qu'il ne soit recouvert, ce que vont opérer les personnages tout en haut à droite. Donc il y a pratiquement une dimension narrative, presque cinématographique, dans une image fixe, qui donne à voir comme rarement le processus de la mise en terre massive. Ce document, en fait, il est singulier, il est exceptionnel. On a une concentration dans ce manuscrit, j'ai presque envie de dire, d'images qu'on aimerait trouver plus souvent ailleurs, qu'on aurait aimé voir se développer. La dynamique autour des événements de 1348, elle est plutôt qu'ils sont sous-représentés, iconographiquement parlant. Donc, elles sont d'autant plus précieuses qu'elles sont rares et qu'elles font exception. Une des personnes qui a dit les choses les plus fortes sur le silence iconographique autour de la peste, c'est Georges Didier Huberman. Didier Huberman part du constat qu'on parle très peu de la peste, il y en a peu de traces, par exemple chez Vasari, donc au XVIe siècle, père de l'histoire de l'art à l'italienne, et il essaye de creuser et finalement il met le doigt sur le fait que il n'y a pas de représentation directe de la peste. L'une des pistes de Didier Huberman, c'est que peut-être l'appétence pour les images ne s'est pas traduite dans un besoin de voir, comme dans un effet miroir, représenter toute la dureté de ce que la peste a été, c'est-à-dire pour chacun, concrètement, la perte au minimum de la moitié de ses proches, de sa famille, de ses connaissances. Il y a plutôt eu une redirection des sujets définis comme sujets de prédilection pour comment mener sa vie spirituelle. Alors j'ai tué des inconnus, des familles, j'en ai épargné d'autres. J'ai tué des moines et des moniales, j'ai tué un roi, une reine, des poètes, des médecins, des théologiens, des archevêques, des ducs, des princesses, des cardinaux, des chevaliers, des paysans, des jeunes filles, des enfants et bien sûr, j'ai tué aussi des peintres. La peste, elle produit d'abord la mort d'un certain nombre d'artistes. Par exemple, les frères Lorenzetti à Sienne, qui meurent en 1348, et peu de temps avant a disparu Simone Martini, pas du tout de la peste, hein, en 1344. Et si on pense que Giotto est mort en 1337, au fond, la peste vient achever l'histoire d'une génération qui a été une génération essentielle dans l'histoire de la peinture. Et après cette rupture de génération, ce sont d'autres artistes dans d'autres directions qui vont explorer les nouvelles pratiques picturales, principalement en Italie. Et la thèse défendue par Millard Meiss, il ne s'agit pas de représenter la peste, mais que par exemple le rapport à la divinité a renoué à un moment donné avec des codes de représentation qui étaient plutôt ceux du XIIIe siècle, avec une représentation de la divinité comme beaucoup plus hiératique, beaucoup moins réaliste, beaucoup plus éloignée de l'homme par rapport à ce qu'avait apporté la peinture, disons, de Giotto jusqu'au milieu du XIVe siècle, c'est-à-dire une forme de naturalisme beaucoup plus important. Une œuvre sur laquelle Meiss s'attarde, c'est le polyptyque ou pentaptyque, puisqu'il y a cinq panneaux, d'Orcagna, qui date de 1357, qui est dit par la Strozzi du nom des commanditaires, et qui est conservé dans l'église de Santa Maria Novella à Florence. Dans ce polyptyque, on a une image centrale avec un Christ trônant assis sur une mandorle, donc complètement hors d'un espace réel, hein, il est entouré de chérubins, etc. Bon, ce que Meiss va observer dans cette image, c'est la reprise, donc dans les années 1350, d'une iconographie en fait extrêmement ancienne et pratiquement plus en usage, en tout cas, du Christ. Le fait de placer ce Christ adulte assis, c'est la récupération de l'iconographie, c'est-à-dire le Christ juge des jugements derniers, et c'est pas du tout ça que la peinture italienne et la peinture de polyptyque avaient développé avec l'essor des ordres mendiants entre 13e et 1er 14e. C'était un développement de l'humanité du Christ, des épisodes de sa vie. Il était dans une beaucoup plus grande proximité avec le spectateur. Ici, il y a un retour à Byzance ou un retour justement à l'iconographie très distante et c'est un Christ qui va faire peur. Pourquoi un sentiment de culpabilité, de pénitence et de mysticisme accru? Parce que le trauma est tellement immense que donc le rapport à la religion évolue. Voilà, on va simplifier en disant cette recherche de consolation, de réassurance dans l'image religieuse. On va passer des commandes, les commandes vont augmenter parce que on va essayer encore plus de assurer le salut dans l'au-delà, étant donné la conscience de la fragilité de la vie qu'on a. C'est-à-dire que les grands mécanismes de fonctionnement des grands ateliers, alors je dis florentins surtout, ou siennois, continuent leur vie sociale, économique, culturelle, sans modification profonde. Disons que certains historiens d'art se sont demandé si finalement ce qu'on va appeler la Renaissance n'est pas en partie lié à une sorte de surinvestissement culturel et artistique lié à cette conjoncture de crise. Il y a le fait que, tout simplement, certaines personnes, les survivants, se retrouvent avec une masse d'argent stratosphérique entre les mains et donc sont en position de commander, faire réaliser tout un ensemble d'œuvres qui vont porter un culte nouveau du souvenir pour affirmer, en fait, le soin de la construction de leur identité et de la mémoire de leur lignée. Pour Samuel Cohn, d'ailleurs, il dit « Plus encore que 1348, c'est la vague de peste de 1363 qui a pour conséquence une masse de commandes dans lesquelles on peut reconnaître une mutation, finalement, de la perception de soi, des individus, de la société de la fin du XIVe. » Et ce que lui propose, c'est que, bien sûr, qu'on honore les morts dans le culte du souvenir, mais surtout, on prépare le culte du souvenir de soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la mort de soi devient représentée comme une sorte de catastrophe à l'échelle individuelle, et que cette catastrophe, elle se démultiplie par des millions de morts, le rapport à l'au-delà et la manière dont les rituels funéraires, dont les manifestations à la fois cérémoniales et puis ensuite éventuellement dont les investissements sous forme de pierres tombales, de monuments vont se traduire, va être modifié. On peut imaginer peut-être qu'une des modiales de cette abbatiale, de ce prieuré, une fois la peste passée, s'est dit « bon, bah, il faudrait peut-être marquer le coup et remercier ». La bonne question, c'est a posteriori, on se dit « voilà, il faut se rappeler d'eux ». C'est-à-dire on rentre dans quelque chose qui est la typique de cette fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire les pratiques mémorielles. Et construire une mémoria, c'est-à-dire la mémoire des grands événements, et à l'échelle vraiment locale, la mémoire du lieu, la mémoire priorale. Et sans doute, là c'est ce que certains historiens d'art ont avancé, quand on regarde de près les cadavres supposés qui sont de part et d'autre, on repère démoniales. On les voit bien représentés avec leur habit. Et en voile noire. Et qui sont, voilà, en voile noire, on en voit deux ou trois de part et d'autre. Et on peut imaginer que l'abbaye de la Vaudieu, en son sein, a été frappée par la maladie, que démoniales ont été touchées et qu'on s'est dit, il faut qu'on garde cette mémoire-là, c'est un événement quand même marquant. La peste, c'est la mort. C'est-à-dire, il y a une équation, la peste, c'est mortalité radicale, célérité extrême. Et donc oui, la peste, c'est la mort. Et du coup, bah, c'est pas un hasard si dans les périodes de crise et de peur que l'on vient de vivre, là, et que l'on est en train toujours de vivre d'ailleurs, il y a une espèce de résurgence, si vous voulez, en filigrane, de la peste qui cristallise, en fait, la peur panique des populations et la mort, oui. C'est l'impression que ça donne, évidemment, la lecture qu'on peut en faire. C'est-à-dire un couvent de sœurs qui a été frappé en son sein, qui, bien après le départ de l'épidémie, on veut marquer, on s'inscrit dans la mémoire et on veut garder ce souvenir important de cet épisode tragique qui, on sait en plus, n'est que le début. Et il y a quand même quelque chose de très puissant dans cette représentation. Et c'est vrai que ça ne faisait que commencer. J'ai traversé l'Europe et l'Asie, je suis revenue parfois 100 fois au même endroit. Je me suis installée dans le paysage et si on ne m'a pas beaucoup peinte, il semble bien que j'ai bouleversé la littérature du Moyen-Âge. Merci à Étienne Anheim, Dominique Chevet-Écardi, Johan Picot et Julia Pouma. Lecture, Sarah Chomette et Éric Herson-Macarel. Prise de son, Yves Lehorse, Christophe Papon et Julie Garraud. Mixage, Éric Boisset. La grande peste, l'empreinte d'une tueuse, peindre la mort noire. Perrine Kervran, Anne Pérez. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à La Vaudieu, Dieu, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour se parler, Twitter et même Instagram. Demain, derniers épisodes, la peste en littérature et au microscope. Mais en attendant, restez à l'écoute.